regarde même pas ma maison. Baigne-toi pas dans ma piscine, mets pas les pieds dans ma cuisine. Nous les intrus, on les assassine. Mon terrain, toi pis ta face de raisin. On veut la sainte paix aujourd'hui et demain. Sonne pas à ma porte, sinon je vais dire à mon gros chien qui sort, il va faire de toi une nature morte. Payeur de taxes, payeur de taxes, on est le payeur de taxes, payeur de taxes, on est le payeur de taxes. Nous avions rêvé de paradis de verdure, dans un royaume où la reine était la voiture. Nous avions rêvé d'une chouette voiture, mais nous voilà au pays des ordures. À payer des frais, des taxes et des impôts. Payer pour faire engraisser la couche sous-jacente de la société. Une fois par semaine, on en a assez, et on crache le méchant à la télé. Un payeur de taxes, c'est un animal qu'on voit la télé dénoncer le mal. L'augmentation du prix de l'essence, la guerre, la famille et même la décence. C'est un loup de fin de semaine, un mouton